Chapitre 54. Monsieur le marquis de Chamerys sortit de chez Sir Williams vers 6 heures du soir, le moment du dîner, et comme la veille, il dîna en famille. « Mon cher Albert, lui dit Fabien à mi-voix, tu nous fais des mystères à Blanche et à moi ?»« Des mystères, par exemple. »« Tu aimes Mademoiselle Conception ?»« Et tu en es aimé ?»« Ma foi, dit Rocambole en riant. » Puisque vous êtes si avancé, vous me ferez plaisir de me donner quelques détails. Sur quoi? Mais sur cet amour réciproque dont vous parlez. Mon petit Albert, murmura la vicomtesse d'une voix câline, pourquoi mentir? Fabien t'a vu recevoir une lettre d'Espagne. Rocambole tressaillit, mais il redevint maître de lui aussitôt. Ma foi, dit-il en souriant, c'est inouï. La famille n'est plus la famille, c'est la douane. Ingrat, fit Blanche d'un ton de doux reproche. « Au fait, ajouta Fabien, si tu tiens absolument à garder ton secret, eh bien non, répondit Rocambole, qui joua une émotion et crut devoir rougir un peu. Je conviens de la première partie de ce que vous avancez. C'est-à-dire que tu aimes Conception? Oui. Mais elle? À cette question, l'élève de Sir Williams fut adorable de fatuité et de modestie tout à la fois. « Eh, le sais-je, dit-il, les femmes sont si bizarres, si étonnantes. « Merci, dit la vicomtesse en riant. Ce qu'elles veulent aujourd'hui est l'antipode de leur désir de demain. Aimeront-elles dans une heure ce qu'elles adoraient il y a 5 minutes ?»« Oh, profond philosophe !» murmura Fabien d'un ton moqueur. « Ainsi, tu ne sais si tu es aimé. Je l'ignore. »« Cependant, tu l'as écrit. »« Oui, je l'avoue. » Et elle t'a répondu. « Oui, je viens de recevoir sa lettre. »« Mon cher, dit Fabien, permets-moi une seule question. » Fais. » dit négligemment Rocambole. La lettre de Mademoiselle de Salandrera a-t-elle 5, 10 lignes ou 2 pages? Je crois qu'elle a 4 pages, répondit le faux marquis avec une naïveté qui arracha un sourire à la vicomtesse. C'est bien, dit Monsieur Damol, l'affaire est jugée. Une jeune fille n'a jamais écrit une lettre de 4 pages à un homme qu'elle n'aime pas. Maintenant, que pouvons-nous faire pour toi? Mais, fit Rocambole surpris, comment l'entendez-vous? « Je veux dire, poursuivit Fabien, complétant sa pensée, qu'il ne suffit pas d'aimer Mademoiselle de Salandrera, d'en être aimé, et d'être avec elle en correspondance. »« Ah, ça ne suffit pas. »« Mais non. Que faut-il encore ?»« Il faut faire un doigt de cour aux parents, le duc et la duchesse, et c'est pour cela que ta sœur et moi nous t'offrons nos services. »« Merci bien, » dit Rocambole, « mais je n'en suis point encore là. »« Pardon, » continua Fabien. « À moins que tu ne t'y refuses, nous causerons affaire. »« Soit, je le veux bien. »« Tu as 75 000 livres de rente. »« Oh mon Dieu, pas davantage. »« C'est peu pour épouser une Salandrera. »« Bon, Conception est désintéressée. »« Malheureusement, mon cher, quand il s'agit de mariage, les jeunes filles ne sont jamais consultées sur les questions d'argent. »« Donc, le désintéressement de Conception n'a rien de sérieux à mes yeux. »« Mais enfin, si elle m'aime... » Il en convient, dit Blanche en riant. Mon avis est, poursuivit Fabien, qu'on s'adresse non au duc, mais à la duchesse. Les femmes s'entendent toujours entre elles. Mais le duc et sa famille sont en Espagne. Ils reviendront. C'est probable, mais quand? Je crois donc que nous pouvons ajourner quelque peu cette conversation qui me paraît prématurée. Comme tu voudras, répondit Fabien, qui crut comprendre que son beau-frère voulait garder son secret sur Conception. Et il parla d'autre chose. Rocambole quitta Fabien et la vicomtesse après le dîner et se rendit à l'opéra où, on le sait, la fausse Baccara avait donné rendez-vous à Roland. Quand le marquis arriva et parut dans sa loge, il aperçut M. de Clayet seul dans une loge d'avant-scène. Le jeune fat portait sur son visage toutes les angoisses de l'attente. Il n'était pas un spectateur dans la salle qui, voyant ce jeune homme tressaillir et tourner la tête au moindre bruit, s'agiter en tous sens, promener ses jumelles d'une galerie à l'autre, et paraissant au supplice, ne se fût dit « Voilà un homme bien malheureux, et celle qui le fait souffrir ainsi est bien cruelle. » Cependant, Roland aperçut Chamerys et tous deux se saluèrent. Puis le premier, qui voulait absolument mettre toute la salle dans la confidence de sa bonne fortune, posa un doigt sur ses lèvres et fit à Rocambole un petit signe mystérieux qui voulait dire « Chut, excusez-moi, si je ne vous invite pas à venir dans ma loge, mais je l'attends. » Le marquis répondit par un geste qu'il avait compris. Il tourna la tête, mais continua à examiner Roland du coin de l'œil. Celui-ci, après avoir salué le marquis, disait bonjour de la main, et se livrait à une pantomime assez vive avec des personnes qui se trouvaient dans une loge voisine de celle de Rocambole, de telle façon que celui-ci ne pouvait les voir. « Je gage, pensa le prétendu marquis, qu'il a convié tout son club à l'opéra. » Il quitta un moment la loge, passa dans le couloir et regarda en passant par les œils de bœuf. Rocambole ne s'était pas trompé. La loge avec laquelle Roland correspondait par signe renfermait le jeune monsieur Octave et trois autres membres du club dont il faisait partie. Rocambole alla reprendre sa place. Il était plus de 8 heures déjà et Roland ne voyait rien venir. Enfin, il entendit frapper et se retourna vivement. Un froufrou de robe de soie se faisait entendre derrière la porte. Un parfum délicat pénétrait déjà dans la loge. Roland ouvrit. Monsieur le marquis de Chamery, Monsieur Octave et ses amis, toutes les personnes enfin qui avaient remarqué le manège impatient de Monsieur Roland de Clayet, attachèrent leurs regards sur la loge. Une femme voilée entra, se laissa prendre la main et s'assit auprès de Roland, mais elle ne releva point son voile. Si Madame la comtesse Artoff ou une femme lui ressemblant fut venue, le visage découvert et en toilette d'opéra, s'asseoir dans la loge de Roland, peut-être eût-elle attiré l'attention de quelques personnes. Mais à coup sûr, elle n'eût point excité l'espèce de rumeur pleine de scandale que produisit cette femme qui, pendant 2 heures, garda son voile obstinément baissé. Jusqu'à la fin de la représentation, Roland eut le rôle et l'attitude d'un homme que le bonheur écrase. Il fut le point de mire de tous les regards, le sujet de tous les commentaires. Quand le rideau tomba sur le dernier acte du prophète, la femme voilée prit le bras de Roland et sortit avec lui. Monsieur Octave et ses amis étaient échelonnés sur le passage du Lovelace. Ils le virent traverser le péristyle, prendre avec la femme voilée le passage de l'opéra, monter avec elle l'escalier du restaurant situé au bout de ce passage. Monsieur Roland de Clayet et sa mystérieuse compagne allaient faire un souper fin et sucer des écrevisses. « Avec tout cela, dit un des jeunes gens amenés par Octave, nous ne l'avons pas vu. C'est vrai, mais nous la verrons. Quand ? Tout à l'heure, je m'en charge. » Et Roland ne se doute pas que je connais l'établissement dans lequel il vient d'entrer, un peu mieux que son architecte. « Bah !» firent ces messieurs. « Venez !» dit le triomphant M. Octave. « Vous allez voir !» Et ils montèrent chez le restaurateur. M. Octave dit au garçon. « Donnez-moi le cabinet numéro 7. »« Il est pris !» dit le garçon. « Par un monsieur et une dame qui viennent de monter ?»« Oui. »« Donnez-moi le numéro 8 en ce cas. »« Voilà, monsieur !» répliqua le garçon en montrant la porte du cabinet demandé. Le jeune Octave posa le doigt sur ses lèvres. « Pas de bruit, » dit-il, « parlons bas. » Puis il montra la glace placée sur la cheminée et dit « Regardez dans le coin. » Un coin de la glace, en effet, était dépourvu de son teint, et ce coin correspondait à un trou percé dans la cloison. Grâce à ce trou, le jeune monsieur Octave et ses compagnons purent voir, dans le cabinet numéro 7, Roland de Clayet qui soupait avec la femme mystérieuse. Seulement, elle avait relevé son voile. « Ma parole d'honneur !» murmura M. Octave. « Roland n'est point un hâbleur, c'est bien la comtesse Artoff. » Pendant que chacun des convives de M. Octave regardait à son tour, M. le marquis de Chamery s'en allait fort tranquillement se coucher après avoir vu les bambins monter au restaurant sur les pas de Roland. « Je crois que tout va bien, très bien » murmura-t-il. Le lendemain, vers 5 heures, Maître Zampa se présenta rue de Suresnes. Rocambole, vêtu de sa polonaise à brandebourgs et coiffé de sa perruque blonde, alla lui-même ouvrir et ferma sa porte avec les précautions d'usage. « Qu'est-ce que ? » lui demanda-t-il. « Le comte Artoff est arrivé. »« Ah, et quand cela ? » ?»« Cette nuit ou ce matin ? » ?»« Monsieur le duc a reçu tout à l'heure le billet que voici. »« Donne, » dit Rocambole, qui allongea la main et lut, « Mon cher duc, mon mari est arrivé. Nous vous attendons à dîner ce soir et nous recoserons de vos petites affaires. Ensuite, vous emmènerez Stanislas passer la soirée à votre club. Ce pauvre russe, si français de cœur et d'instinct, a l'air d'un exilé qui remet le pied sur la terre natale. Il a soif de Paris. Il voudrait tout voir et serrer toutes les mains à la fois. Chateaumailly, m'a-t-il dit, me conduira à son club. Venez donc, mon cher duc, et je vous serai d'autant plus reconnaissante que j'userai de ma liberté pour aller voir ma chère petite bourgeoise de sœur qui habite le boulevard Beaumarchais, un quartier perdu. votre servante et amie, comtesse Hartoff. Voilà qui tombe à merveille, pensa Rocambole, puis il demanda à Zampa. Le duc est-il déjà parti pour aller chez le comte ? Tout à l'heure, il y a 10 minutes. Le duc était à peine en voiture que je me suis esquivé pour venir ici. C'est bien. Monsieur va me rendre ce billet pour que je le replace sur la table du duc. Sans doute, le voici. Ai-je de nouveaux ordres à recevoir ? Rocambole fit un signe de tête affirmatif. Il faut trouver, et trouver sur le champ, le moyen de savoir tout ce qui se passe chez le comte Hartoff. Je le saurai, répondit Zampa. Jour par jour, heure par heure. Ce sera fait. Est-ce tout ? Oui, va-t'en. Demeuré seul, le faux marquis se prit à rire. Ce matin, nous délibérions, Sir Williams et moi, sur le moyen de mettre le comte Hartoff et Roland en présence. Et voici que le hasard nous envoie ce moyen sur le champ. Le duc de Châteaumailly est du club dont Roland, Fabien et moi, nous faisons partie. Roland dîne chez Fabien. Ce soir, nous irons en cercle. Seulement, j'ai besoin de voir Rebecca sur le champ. Le faux marquis changea de costume, se débarrassa de sa perruque et quitta l'appartement de la rue de Suresnes. « Rue de la Pompe, » dit-il à son cocher qui attendait à la porte, « et va vite !» Le coupé était attelé du meilleur trotteur que possédait le marquis. Il alla passer en un quart d'heure, et Rocambole trouva la fosse Baccarat, arrondie sur un coussin turc devant le feu, occupée à se faire les cartes. Elle se leva, en voyant entrer Rocambole, jeta ses cartes dans un coin et prit vis-à-vis de lui l'attitude respectueuse et soumise d'une esclave. « Ma petite, lui dit Rocambole, donne-moi une plume et de l'encre. » Il s'assit devant une table et tira de sa poche une lettre. « Voici, se dit-il, le billet écrit par Baccarat à monsieur de Châteaumailly. Une jolie écriture, allongée, menue, facile à contrefaire. » Il prit une enveloppe et écrivit dessus à monsieur Roland de Clayet. « Parfait, reprit-il. Et j'ai décidément un talent merveilleux pour contrefaire toutes les écritures. Madame la comtesse Hartoff jurerait qu'elle vient de tracer cette suscription. » Et avec le plus grand soin et une application extrême, il écrivit un billet de 3 lignes, imitant toujours à s'y méprendre l'écriture de Baccarat. Le billet tracé, il l'enferma dans l'enveloppe, la ferma avec un pain cacheté et l'attendit à Rebecca. « Ce soir, lui dit-il, tu arriveras chez Roland à 10 heures. » Y sera-t-il ? Non, il sera sorti. L'attendrai-je ? Tu remettras ce billet à son valet de chambre, avec ordre de le porter au club de son maître. Roland viendra, tu lui diras. Mon mari est au club, n'est-ce pas, avec Châteaumailly ? Bien, après ? Après, tu passeras une heure ou deux avec lui et tu t'en iras sans lui assigner d'autres rendez-vous. Nous verrons plus tard. Est-ce tout ? Tout, dit le faux marquis en frappant du bout de la main la joue de Rebecca. Adieu, mignonne. Et monsieur le marquis Albert Honoré de Chamery rentra chez lui. Roland, ainsi que l'avait dit Rocambole, dînait tous les samedis chez son ami Fabien Damol, et le marquis était bien certain de l'y trouver. À 6 heures, en effet, Roland arriva. « Messieurs, dit Fabien après le dîner, la vicomtesse me donne ma liberté ce soir à la condition que je la conduirai chez la marquise de R, où je l'irai reprendre à minuit. Je vais vous faire une proposition. » « Voyons, dit Roland, nous irons faire un whist à ton club. »« C'est ce que j'allais vous proposer, » ajouta Rocambole. « Seulement, dit le vicomte, vous m'y précéderez. »« Je vous rejoindrai au bout de 20 minutes. »« Le temps d'offrir mes hommages à Madame de R et de m'esquiver de son salon où l'ennui me prend régulièrement à la gorge au bout de 20 minutes. » Le vicomte et sa femme montèrent en effet dans leur carrosse vers 9 heures, tandis que Rocambole offrait à Roland une place dans son phaéton et le conduisait au club où de graves événements se préparaient.